Nouveau tube Fun Radio. This is your station. Fun. Cashmere. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Les sons Dance Floor. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a roll. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Avec des centaines d'offres imbattables en folder et sur Krefel.be, moi je dis champion Krefel. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Il est 17h, bienvenue sur Fun Radio. Dans un instant, on va se faire le son de Calvin Harris featuring Rihanna. Ce sera juste après les infos avec Carlo Morello. Salut Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Plusieurs villages se sont retrouvés sous eau ou ravagés par des coulées de boue dans la région de Nassogne en province de Luxembourg. Et à Arsin, un apiculteur a été emporté par le courant alors que visiblement il tentait de sauver ses ruches. Un homme dont le corps a été retrouvé ce matin. Les fortes pluies de ces derniers jours ont fait déborder plusieurs cours d'eau et un centre de crise a été mis en place hier soir. Des maisons ont été inondées et plusieurs voitures emportées par les flots. Mais ces intempéries font le plus gros dégât encore chez nos voisins français. La crue a gagné Paris où la Seine a été placée en vigilance orange. Et l'état de catastrophe naturelle sera reconnu dans les zones les plus touchées. Des crues parfois records ont coûté la vie à au moins deux personnes. La Belgique et la France sont donc toutes deux concernées par les inondations, mais ce n'est pas le seul point commun qui existe entre les deux pays en ce moment. Je parlais de la contestation sociale qui aura fait la une de l'actu cette semaine, aussi bien chez nous qu'outre-Quiévrin, comme disent les journalistes qui n'ont pas peur des clichés. La semaine n'est toujours pas terminée d'ailleurs et les trains roulent toujours aussi peu aujourd'hui, mais une reprise du trafic aura bien lieu ce soir à 22h. Voilà ce qu'ont annoncé les syndicats. Cela dit, un nouveau préavis d'action a été annoncé pour le 12 juin. Et après les trains, les techs wallons, toujours aussi perturbés également. Les usagers désireux de savoir ce qui roule et ce qui reste au dépôt peuvent se renseigner sur infotech.be. Ils peuvent aussi réclamer un remboursement partiel de leur abonnement mensuel ou annuel en fonction du nombre de jours de grève consécutifs qu'ils ont subis. Je dis, il n'y a rien qui urge non plus, hein. Ils ont jusqu'à 2 mois pour faire ça. En 2014, on a commémoré les 50 ans du début de l'immigration marocaine en Belgique. Et bien dans quelques jours, ce seront les 70 ans de l'immigration italienne, avec les accords signés le 23 juin 1946 par la Belgique et l'Italie. À l'époque, notre pays cherchait à relancer son économie ravagée par la guerre. Pour soutenir les efforts de reconstruction, le charbon était la seule source d'énergie disponible immédiatement. Mais comme les Belges ne voulaient plus descendre dans la mine, ben on a fait appel aux Italiens, dont le pays était plongé dans la misère. Des accords grâce auxquels j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter des infos sur Fun Radio. Grande cause, petits effets. Restons modestes. Enfin au tennis, David Goffin, 25 ans, nous vaudra sans doute quelques belles satisfactions à l'avenir. Mais l'Autrichien Dominic Thiem, 22 ans, est probablement une des plus belles promesses pour les années qui viennent. Lui qui a éliminé son ami liégeois hier en quart de finale de Roland-Garros. Une victoire sans bavure, même si Goffin avait remporté le premier set. Ce dernier se consolera en se disant qu'il aura réussi sa plus belle performance en Grand Chelem et que lundi prochain, il atteindra son meilleur classement à l'ATP à la 11e place. Le top 10 n'est donc plus qu'une question de temps. À noter également que dans le tournoi féminin, la finale mettra aux prises la numéro mondiale Serena Williams à l'Espagnole Garmine Muguruza. En fait, ce sera la réédition de la finale du dernier tournoi de Wimbledon. Fun. Fun Radio. 5 300 € d'avantage sur la Seat Leon ST Break. Destination Barcelone. Je lance la navigation qui est comprise, tout comme les phares full LED et la prime de recyclage sous condition. Seat. On aura du cadeau pour vous dans un instant. Le MacBook Air 13 pouces 128 Go d'une valeur de 1099 €. Je vais vous expliquer comment faire pour repartir avec ce beau cadeau. Juste après la météo, Carlo, c'est quoi le programme ? Pour ce week-end, ça va pas être terrible. La température, ça va. Jusqu'à 23, 24, voire 25 degrés samedi et dimanche. Par contre, les nuages et les averses seront toujours au rendez-vous. Prochain rendez-vous info, ça c'est pour dans une heure. Je vous laisse en compagnie de Dre et du son de Calvin Harris et Rihanna. Salut. Fun. Fun Radio. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Ah là, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floyd. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Watching her, but she's looking at me. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Et ouais, même le vendredi, on est là, les gars. Ouais. C'est la fin de la semaine, ça y est, on l'a fait. Oh. Ouais. Et c'est quoi ce ouais? C'est la fin de la semaine, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es comme ça? Parce que c'est le week-end. Ouais, mais c'est faux. Tu es genre en direct, c'est le mec qui fait semblant d'être content, genre ouais, trop bien. Et deux jours où je peux rien foutre. Mais moi, je suis l'homme mais le plus heureux du monde. Tu fais déjà ça toute la semaine, mais c'est de rien ça, foutre. Hein, donc, attends, ça va. Mais t'es une arnaque, toi. Mais t'es une arnaque sur patte. Ouais, mais le week-end, je me sens pas coupable. Ah, qu'est-ce qu'il va faire de beau ce week-end? Bah, rien, je viens de le dire. Que dalle. Non, mais t'as même pas une petite activité un peu. Alors, lecture de comics, partie de jeux vidéo et matage de DVD. Mais t'as oublié de grandir. Hein. Sérieux, tu Pourquoi rappelles aux auditeurs quel âge t'as? 37 ans. Bah ouais, c'est une catastrophe. Je vais commander des plats chinois aussi. C'est une grande catastrophe même. Ouais. Bibou, tu vas faire quoi toi ce week-end? C'est quoi le programme? Qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Eh ben, c'est une très bonne question, j'en sais rien. Que dalle. Non, vous avez un gros déjà programme. Demain, je suis en émission. Ah ouais? 14-18. Ouais. Il faut se brancher. Ouais. Et puis dimanche, ce sera la glande. On va dormir très tard, jusqu'à 14h. Vous avez vraiment la belle vie, voilà. Les gars. Genre, toi, t'as des trucs de foot prévus? Moi, je vais tester la nouvelle attraction de Walibi samedi. Ah! Et pourquoi tu nous invites pas aussi? Parce que. C'est pas très gentil. Le week-end, rien ne m'oblige à vous supporter. Ouais, mais c'est un truc genre de montagne russe qui va dans tous les. Ouais, c'est bah, okay, bah tu raconteras c'est, alors. C'est le truc qui va à 100 km/h, même. C'est plus, ça, c'est l'attraction Pulsar. Ça a l'air d'être énorme. Je vais aller la tester samedi et comme ça, je reviendrai avec des places pour vous, là, de l'autre côté de la radio. Comme ça, surtout, tu reviendras pas lundi. Puisque ou alors, tu vas tellement avoir peur que tu seras plus et là. Eh bah, vous ferez la P-Word de Fab et Bibou. Et ça, c'est la classe, les gars. Bon, sinon, avant de vous offrir des places pour aller à Walibi, je vais essayer de gratter ce week-end. On a un autre cadeau à vous filer, le MacBook Air 13 pouces, 128 gigas, 1099 €, les gars. Si ça, c'est pas du beau cadeau, et c'est les derniers qu'on peut vous filer aujourd'hui, puisqu'après, la boutique, elle est fermée. On va vous en filer un par heure, voilà, comme ça, on termine bien la semaine tous ensemble. Et si vous avez été. Bon, c'est que c'est 6 mois de salaire pour nous. Bah, justement, c'est pour ça, je donne tout maintenant, tu vois. Au pire, si je reviens pas lundi, je refais tout ce que je pouvais. 6 mois? Mais t'es bien payé, toi. Non, mais sérieusement, si vous voulez repartir avec votre MacBook, vous le savez, on fait ça depuis lundi. Il faut essayer de retrouver un animal, et aujourd'hui, c'est un animal un peu bizarre. Écoutez ça. Ah mais il est moins agressif que les autres des îles autour. Hein. Ça peut être agressif. Hein. Ah non, sérieux, ça peut. Genre, ouais, mais c'est pas une grosse bête comme les autres jours. Ça c'est une puce et on a augmenté le volume au maximum. C'est non pas une puce, non. Non mais on dirait un mec qui fait un bisou. C'est ouais, on dirait non, un peu ça, mais non c'est. T'embrasses comme ça. Bibou, c'est quand il fait des pops, tu vous fais. Ça y ressemble, hein, mais c'est un animal domestique, un truc que vous pouvez avoir à la maison. Ah un vieux. Non, c'est pas sympa. Non, enfin, non d'accord. Si ton vieux il fait ce brouillard, franchement. Bah, c'est pour ça, ma grand-mère elle faisait ça. Ah ouais, elle me faisait des bisous. Mmh, avec les poils qui piquent, là, tu sais, généralement. Les mamies poil, elles ont toujours un poil qui pique. Ah, elle a un poil qui est plus dangereux que toute une barbe. Ça, c'est vrai, ça. Non, bah, du coup, c'est pas une mamie, c'est pas non plus ce que Bibou disait tout à l'heure. C'est un animal domestique qui souvent est en cage. Vous avez une idée dans l'équipe ou pas? Bibou. Non. Non, l'animal, ça devient non. Fab. Natacha Kempouch. Une. Quoi? C'est qui ça encore? Ça, c'est encore un autre truc qu'il n'y a que lui qui peut comprendre, ouais. Tu vois, il se fait plaisir. Ouais, petite blague pour moi. Ah, c'est, on est vendredi, hein, c'est ça? C'est cool. Ce week-end, tu seras pas là. C'est génial, c'est top, c'est une super bonne nouvelle. Si vous voulez repartir avec votre MacBook, allez-y, vous vous inscrivez maintenant. Vous envoyez Mac MAC par SMS au 6322 avec le nom de l'animal et on fait un premier tirage au sort avant 18h, ça c'est promis. La suite du son maintenant, c'est avec Era Istrefi, ça se passe. Il y aura Avicii aussi dans un instant. Et bougez pas parce que juste après, je vous file votre MacBook. Bun, bun, bun, bun, bun. Floor sur Fun Radio, c'est avec Ellie Goulding que ça se passe. Je vous ai calé aussi Madden. Ça, c'est une grosse nouveauté, hein. Vous avez été les premiers à l'entendre là sur Fun Radio. C'est Golden Light qui arrive, mais juste avant, je vous avais promis qu'on allait faire un tirage au sort pour celui qui va peut-être partir avec son MacBook Air 13 pouces, 128 gigas, le plus fin de toute sa génération. Oh, il est genre, beau. C'est de best de best qui coûte le une blinde. Le plus léger, hein. Le plus puissant. Le plus puissant aussi. Et qui coûte 1099 euros. Ouais, le Angelina Jolie des ordi. Voilà, wow, c'est ça. Merci, tout fin. J'adore les comparaisons de ça. C'est génial, toujours. jour. Il est aussi plaquel. Oh. La personne que vous avez appelée n'est pas disponible. No. Ah ben c'est dommage. Attends, je vais laisser un message. Bonjour, hey, c'est Audrey de Fun Radio, je t'appelais pour te filer ton MacBook Air, mais bon bah tu décroches pas, alors bah c'est perdu, je suis désolée franchement, je voulais filer le MacBook, mais si ça décroche pas, comment tu veux que je fasse? Mais c'est vraiment horrible de faire ça, je crois que la prochaine fois ils vont pas laisser de message. Mais... Non mais t'imagines le coup de poing que tu leur donnes. C'est ça quoi. Qui est cool. Eh déjà moi je donne aucun coup de poing, et s'il décroche pas, comment tu veux que mais je fasse? Mais ouais, mais là tu remues le couteau dans la plaie. Mais c'est horrible ce que tu fais. Ouais, c'est vraiment drôle. Il est pas comme nous lui. Non, c'est pas grave. Il va pas faire du mal. Mais non, mais c'est pas le but, mais de toute façon on refera un tirage au sort, alors du coup avant 18h et bah peut-être que lui il sera retiré au sort, j'en sais rien. Il faut retrouver un animal aujourd'hui, un animal on a dit tout à l'heure qui est domestique, qui est souvent dans une cage et qui peut faire vraiment très très peur selon les personnes. Genre moi je flippe grave quand il y a cet animal près de moi. Vraiment ouais, je suis toi, pas tu à l'aise. De tout. Ah ouais ouais, mais les rongeurs, genre je vous donne un indice en plus, mais les rongeurs, ça le fait pas du tout du tout hein. Ah, ça c'est un rongeur. Ouais, c'est un rongeur. Vas-y, remets le son Bibou pour ceux qui ont pas encore entendu. C'est un Kobe. Ouais. Ah c'est ça, c'est un Kobe? Non non. J'ai dit oui. Je croyais que c'était dans la famille des Kobe. Oui, c'est ça. Ouais. Toi aussi, apprends les animaux avec Audrey sur Fun Radio. Non, c'est pas un Kobe, c'est. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme indice? Parce que vous galérez, on me dit un canard par SMS, c'est pas un canard. Hein. Mmh. Si vous avez des canards dans une cage à la maison, il faut s'inquiéter. C'est pas une poule non plus, même si c'est vrai qu'on peut le mettre dans, dans un poulailler, mais c'est une petite cage. C'est pas une grande cage, c'est un truc que vous pouvez laisser dans votre salon. Et souvent, qu'on ça. Laisse dans son salon. Attends, parce que je suis pas une spécialiste non plus, mais souvent, ils ont des grosses joues comme ça et ils emmagasinent plein, plein de nourriture dedans. Est-ce qu'ils auraient. Ils auraient pas des roues? Des roues? Des roues, non. Si, non, ça ouais. peut, ouais, mais ils sont un peu paresseux, je crois. C'est pas genre ceux qui kiffent le plus la roue. Ah, c'est pas ceux qui font la roue comme ça? Ils font des fois, si, ils font, mais c'est pas. Tu vois, c'est pas comme les petites souris, quoi. C'est pas une petite souris, voilà. Pour ceux qui pensaient que c'était une souris ou un rat, c'est pas ça. C'est autre chose. Allez-y, si vous avez une idée, vous envoyez maintenant votre message. Vous envoyez les trois lettres M, A, C, MAC par SMS au 6322 avec l'animal qu'on cherche avant 18h. Je fais le tirage au sort et là, côté son dancefloor, comme promis, je vous ai calé Ellie Goulding sur Fun Radio. Welcome tout le monde. Tous les week-ends, 7h, 10h. Réveillez-vous avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Manu, 22 ans à Valette dans le 44. Bonjour Manu. Salut toute l'équipe. T'habites dans la ville de naissance de Christina. C'est ça, j'habite juste à côté. Ouais. Ah, Valette. Valette, la capitale du Skadet. Valette, comme Christina, les femmes n'ont pas de chance. Excusez-moi. Le week-end, 7h-10h, c'est Bruno qui vous sort du lit sur Fun Radio. Angry Birds, y'a plus rien à casser. Oh. Mais on va tout reconstruire grâce au Citroën Berlingo. Yeah. On est plus efficace avec un utilitaire Citroën. En ce moment, jusqu'à 6000 euros d'avantage sur les Citroën Berlingo, disponibles immédiatement. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. La douleur peut surgir n'importe où. Lorsque ça arrive chez vous, vous prenez un antidouleur avec un verre d'eau. Mais que faire lorsque vous êtes dans votre voiture comme maintenant et que vous n'avez pas d'eau sous la main? Nouveau, Dafalgan Instant Forte. Il se prend sans eau et vous soulage n'importe où. Dafalgan Instant Forte, votre réflexe contre la douleur où que vous soyez. Médicament paracétamol. Pas d'utilisation de plus de 5 jours en cas de douleur sans avis médical. Dafalgan Instant Forte est réservé à l'adulte à partir de 50 kg. Maximum 3 grammes par jour en automédication. Lire attentivement la notice. Disney Channel présente... Et action! 5 amis qui ont une chose en commun. Ils ont une passion. Je crée de super vidéos. De la magie numérique. J'ai un blog beauté. Je compose des chansons. Qu'ils partagent en ligne. Suis Nina, Max, Tommy, Zoé et Elise dans la toute nouvelle série Just Like Me. Dès le samedi 28 mai à 8h45 sur Disney Channel. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ah mais je l'avais dit, hein, tant que le jackpot n'a pas été gagné, je continue mes blagues idiotes. Alors attention, que fait un Américain avant de mettre ses chaussures? Il masse sa chaussette. Il masse sa chaussette. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrêterai mes blagues. Là oui, merci loto. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elles glissent sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal si elle croit lui faire peur. Grâce à l'option Grip Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269 euros par mois, taxes, assurances et entretien compris, et sans apport. Découvrez le vide dans tout le réseau Peugeot. Offre de location full service soumise à conditions réservées aux particuliers. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. I'm looking around and it's booty, yeah. and round. She got one that I like, she got one I like too. She moving it just right, she moving it right too. I'm looking around and there's booty everywhere. Journée au bureau s'est mal passée, problème de photocopieuse, de machine à café en panne, un patron qui ne vous lâche pas. Pas de soucis. Audrey et son équipe sont là tous les jours pour vous remonter le moral de 17h à 20h dans la Happy Hour sur Fun Radio. nouveautés. New Music, découverte Fun Radio. Summer night, and I held you tight in the golden light. And ever since that time, I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life. Give me one more night, and I hold you tight in the golden light. In the golden light. C'est vendredi, la fin de la semaine, et le son dancefloor continue avec Chris Cap featuring Youssoupha. C'est Badabing que je vous ai calé. Bing Badaboom, ça arrive dans quelques petites minutes sur Fun Radio. C'est Bing Badabim. C'est non, des fois il fait un mix. C'est pas Badaboom. Ah si, des fois il fait Badaboom. Ah ben non. Ok, tu veux la guerre? Ouais. Si, il fait les deux. Ah ouais, je te jure que si, il fait Bing Badaboom. Mais en même temps, ça change quoi? Je comprends pas pourquoi. Laisse-nous dans notre délire. D'accord, tu vois, okay, c'est genre la guerre de la fin de la semaine. Ouais. À un moment donné, je peux pas laisser dire Bibou. Tu vois, il dit que des conneries de toute façon tout le temps. Donc voilà. Les gars, vous avez vu l'info avec le petit garçon? C'est là énorme. Non, c'est mais parce énorme. Que Fab, il nous a parlé d'un truc hors antenne. Mais sérieusement, je savais même pas que c'était possible de faire ce genre de choses. Il y a des parents qui ont décidé de punir leur petit garçon parce qu'apparemment, il devait être trop casse-bonbon. Ouais. Mais ils ont fait une punition. Mais c'est genre, c'est inhumain quoi. Vas-y, balance. Ah, c'est, ouais, c'est pas logique. Moi, ça m'a beaucoup fait rire alors que c'est bon, c'est pas du tout drôle. Mais ça se passe au Japon. Et les parents, en fait, pour punir leur gamin, ils l'ont abandonné dans un bois. Oh. Et ils sont partis, tu vois, genre pour lui faire peur. Oh. Résultat, le gamin, il est introuvable depuis 3 jours. Oh, mais c'est pas drôle. Mais non, bah, à quel moment tu fais ça, quoi? Il y a des hélicoptères et tout qui tournent, ils sont là, ils sont en mode panique. Oh. Ah ouais, on a perdu l'enfant, mais on voulait le punir. Et... Mais et jamais quoi, tu fais on ça. On l'a toujours pas retrouvé, le petit bout? Non, enfin, pas que je sache. Et mais, cas, c'est mais... pas, c'est pas drôle, hein. Sérieusement, quelle idée des parents d'aller foutre leur gosse dans un bois, genre, ah, jamais on va te retrouver. Les gars, ils ont essayé, mais je me suis accroché à la voiture et tout. Et c'est un peu comme dans. Comment il s'appelle ce conte là? Engret et machin là? Non, comment c'est belle? Ansel et Gretel. Voilà, c'est ça. Ouais, mais là, c'est pas pareil, c'est parce qu'ils avaient pas assez d'argent et ils savaient pas les nourrir. Et là, c'est juste parce qu'ils étaient chiants, ils l'ont puni. C'est le petit poussé. Non, attends, c'est quel conte? Il laissait des morceaux de pain derrière ouais, lui. C'est le petit. Ah bah ouais, c'est le petit poussin. Ouais. C'est le petit poussin. Mais non, et l'autre, alors c'est quoi une grette et machin là? C'est deux sœurs. Non, oui, non, c'est deux sœurs qui arrivent dans une maison chez une méchante sorcière. Ouais, et ouais. Le gars il veut les bouffer. Ah c'est ça, c'est pas ça la même chose. La poule ça a l'air génial, tu vois, ouais. Et mais tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'on reproduise pas ça plus tard? Déjà même les contes pour enfants, ils t'expliquent que t'as quelqu'un qui va te bouffer si tu vas dans une maison en pain d'épices, et t'as l'autre petit poussin qui doit mettre des cailloux pour pas que ses parents l'abandonnent. C'est horrible. Vos parents, ils vous ont déjà fait des punitions de ouf comme ça? Alors peut-être pas. Genre dans la forêt, mais la pire punition. Bibou, la pire punition que tu as eu de ta life. Quand j'étais petit, mon père il avait un voilier. Ouais. Et un jour, je le faisais trop chier sur le bateau. Il m'a accroché mon gilet de sauvetage en haut du mât. Ouais. Enfin, sur le mât, et il m'a monté jusqu'en haut du mât. Et donc, je pendais en haut du mât 10 mètres de hauteur. C'était horrible. Et il t'a laissé combien de temps comme ça? Il m'a bien laissé 20 minutes, je pense. Oh, mais c'est horrible. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a des séquelles dans ma tête. C'est pour ça, que tu tournes pas rond. Bah, tu m'étonnes. Fab, t'as déjà eu des punitions un peu bizarres? Mais moi, je vais vous étonner. La pire punition que ma mère, elle m'ait faite un jour. C'est une fessée. Non. Elle m'a mis au lit à 7h. À 7h? Ouais. Mais à 7h quoi? Putain, ça va être pas cool, hein. C'est, non, mais c'est bah, moi, non, c'était l'heure à laquelle je vais dormir. Genre 19h, 19h30. Bah, moi, c'est le pire truc que tu pouvais me faire. Et d'ailleurs, c'est parti en cacahuète totale. Hein, mais genre, totale. Alors, genre. Comme bon, si t'avais osé répondre à ta mère. Non, ma mère, elle m'a puni. J'ai fait pleurer, hurler, machin, tout pour pas aller au lit. Elle a, pour une fois, elle a tenu bon. Elle m'a laissé dans ma chambre. Et résultat, moi, j'arrêtais pas de me frotter les yeux avec la couverture. Hein? Et il s'est passé un truc, c'est que je me suis griffé le blanc de l'œil. Et résultat, il est sorti de mon œil. Donc, oh, j'avais, si tu veux, une balle de tennis qui sortait de l'œil gauche avec le l'iris au milieu. C'est dégueulasse. Je suis arrivé dans le salon, maman, mon œil. Ma mère a paniqué, on a sauté dans un taxi, on a été à l'hôpital, premier hôpital, ils nous accueillent devant, les gens ils font ok, la cornée a explosé, préparez la salle d'op. Non, c'est pas ça, ils m'ont envoyé dans un autre hôpital parce que là il y avait un spécialiste des yeux. Et mais genre ta mère elle a dû s'en vouloir grave. Ah mais ma mère elle pleurait, tu vois. Quand le médecin il m'a demandé comment ça arrivait, je fais maman, elle m'a puni. Ma mère dit oui, je l'ai vu il y a 7h, tu vois. C'était rien de grave au fait, ils m'ont fait une piqûre, c'est parti. Ça c'est horrible quand. Et dans la voiture, j'ai dit à ma mère, t'as vu que j'ai pas été au lit à 7h et je me suis pris une... Mais t'es vraiment un arrogant, c'est ouf quoi. C'est juste un truc de malade. Il y a Stéphanie qui nous dit, moi j'avais 13 ans en vacances à la ferme, j'avais fait une grosse bêtise et je me suis pris une de ces grosses fessées devant tout le monde, je m'en souviendrai toute ma life. Ouais, les fessées, ça ouais, c'est pas fessées, cool. Devant tout le monde aussi, en plus, c'est la honte. Il y a Eleonore qui dit, moi j'étais punie devant la télé. Non, plus de télé pendant 2 semaines, plus d'ordinateur, ni de console de jeu pendant 6 mois, j'avais juste envie de péter un câble. Sans blague. Ça, c'est la punition préférée des parents. Je te dis, il n'y aura plus de télévision. Bah, c'est vraiment pas gentil. Allez, vous dites-moi de l'autre côté de la radio, c'était quoi? Vous souvenez-vous, hein, je suis sûre quand vous étiez petit, vous avez eu droit à une punition qui vous a marqué. On attend vos petits messages, balancez-les là, 3044. Et pendant ce temps-là, on se fait le son de Chris Cab et Youssoupha sur Fun Radio. International et la connexion. Chris Cab, Youssoupha est dans la maison. Devant, bipa da ping, non. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon, you know that girl really turned me on. Paris est dans la place. Et ça fait bim, bada, bim, bim, pas ta vie. C'est le nouveau Bob Sinclair que je vous ai calé pour la suite du Son Explore sur Fun Radio. C'est quoi le titre encore? Non, je te dirai pas, je m'en fous. C'est un truc trop compliqué à dire en anglais. C'est attends, Someone Who Needs Me. Un truc someone comme ça quoi. Someone Who Needs Me. C'est ça, okay. Tout comme toi tu dis. L'infotrafic dans l'Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Et c'est pas très très gentil de se moquer de mon accent anglais. Sérieux, c'est pas parce que toi tu gères oui, que. Mais c'est drôle. Voilà. Non, c'est pas drôle. Même moi j'ai rigolé de ton accent. C'est pas drôle. Et nous aussi on peut rigoler de votre accent, hein, parce que l'accent flamand il est pas mal. Je te colle une contravention. Non, ouais, collez-moi une contravention seulement. Contrabation, ça veut rien dire. Oui, oui, rien du tout. Bon, comment ça se passe sur les routes, Mister Yacobus? On sait bien que ton anglais. Le tunnel est de nouveau fermé. Super. Il y a de nouveau pas de bus, pas de train, pas de tram. Donc tout le monde est avec son automobile dans le centre. Et pour faire 20 km, tu mets 2h30. Bienvenue à Bruxelles. Ah, c'est une catastrophe. Et sinon, sur le E411 en direction de Namur, on nous signale aussi un ralentissement dû à un accident. Ouais. Donc ça fait aussi. Enfin, je suis gêné de dire, mais partout où tu es, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh ben, bon courage en tout cas si vous êtes sur la route. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas, vous nous prévenez, hein, 3044 pour vos petits messages. Et d'ailleurs, du côté du 3044, on a reçu vos messages avec les punitions. Là, on parle de ça dans l'émission parce qu'il y a un petit bonhomme qui s'est fait punir par ses parents. Genre, ils l'ont déposé dans la forêt et ça fait 3 jours qu'il ne le retrouve plus. C'est vraiment pas très très gentil de faire ça. Et il y a Elisa qui dit au 3044, moi je me suis pris une belle gifle à 12 ans par mon papa devant tous mes camarades de classe. Je peux vous dire qu'une honte comme ça, ça s'oublie pas. Il y a Vincent qui dit, moi j'étais à la plage avec mes amis et je faisais que regarder des jeunes filles, manque de bol pour moi. C'était mes cousines et quand je suis allée me baigner avec elles, elles m'ont pris mon maillot et j'étais bloquée à poil dans la mer. Ça c'est énorme. Oh, ça c'est génial, on l'a tous fait ça. Ou genre tu sais, tu piques les vêtements, comme ça t'es obligé de revenir à poil jusqu'à l'hôtel. Mais moi j'avais eu ça, j'étais dans une salle de sport et on m'a piqué mes vêtements. Et donc j'ai dû sortir à l'accueil en calbut. I sexy and I know it. Non mais dites-moi, vous c'était quoi le genre, la punition qui vous a marqué le plus? 3044 pour vos messages. Moi je me souviens, ma mère, j'avais à la fin de l'année, genre fin juin, j'avais laissé mon cartable, tu vois, genre tel quel, genre ouais, les mêmes phares, les mêmes trucs dedans. Et un peu avant la rentrée, ma mère m'avait dit, mais il faut que tu le ranges, il faut que tu, vas-y, sors tes trucs, mets tes nouveaux affaires. Je l'ai pas fait. Elle en a eu tellement marre, elle a balancé mon cartable. On habitait un appartement du 10e étage. Ça s'est explosé dans le fond. Tous les voisins étaient au balcon et j'ai dû ramasser devant tout le monde. J'étais en train de pleurer. C'est la pire punition de toute ma life. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et vous, c'était laquelle? J'attends vos petits messages. 3044 pour les envoyer. Et là, côté son dance floor, c'est le fameux Bob Sinclair sur Fun. Hour sur Fun Radio, on est avec vous jusqu'à 20h. C'est comme ça du lundi au vendredi avec le son de Rochelle qui arrive. C'est All Night Long sur Fun Radio. Et on a Alain qui vient de Bruxelles qui est là. Bonjour Alain, comment ça va? Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Eh ben super, qu'est-ce que tu fais de beau ce vendredi? Ah ben là je suis encore au boulot, j'espère bientôt sortir. Ah t'es un courageux, tu bosses dans quoi? Dans une imprimerie. Dans une imprimerie, eh ben super, voilà. Il doit faire bien chaud dans une imprimerie, non? Pourquoi? Je sais pas. Ah avec les machines? Non, pas forcément. Non, bah merci, c'est pas grave. Les clichés parfois qu'on peut avoir. Hein. Ah ça va, j'essaye de faire genre je m'y connais, tu vois, mais en fait pas du tout, c'est pas grave. Alain, on parle des punitions qu'on a eues quand on était petit, mais genre la loose, le truc dont tu te souviendras toute ta vie. C'était quoi toi la punition qui t'a marqué le plus? Eh ben, c'était une demi-punition parce qu'en fait, ma petite sœur avait tendance à être casanière. Ouais. Et du coup, quand je faisais une connerie, ma mère m'obligeait à sortir avec elle, à la prendre avec moi en sortie. Ça, c'est un classique, ça. Et du coup, je devais la supporter toute la soirée. C'était horrible. Ah merde. Je te jure, moi, ma grande sœur, elle me haïssait, quoi. À chaque fois, elle devait scoltiner ma présence, mais genre, même dans des. Tu vois, genre, quand elle allait au cinéma avec un mec, ouais, mon père m'envoyait avec elle. Oh non. Donc, elle était obligée. Et donc, moi, elle m'en voulait, mais moi, je pouvais rien. Tu vois, je voulais juste pas y aller, mais mon père m'obligeait aussi. Et donc, je devais y aller avec elle, et puis, je devais faire un rapport à mon père pour lui dire ce qui s'était passé. T'as pardonné à ta petite sœur depuis? Non, toujours pas. Toujours pas. C'est bien, c'est, tu sens que les rapports familiaux sont cool hein, il est toujours obligé de quand il veut pas. Ah tu m'étonnes, mais ça saoule aussi. Alain, merci beaucoup d'être passé à l'antenne. Je te fais des gros bisous et bon courage au taf hein. Ben merci bien. Bisous bonne Alain aussi. Bonne soirée, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Et il y a qui? Il y a Elisa qui me dit à l'école, moi je m'amusais à lancer des patates. Quoi? Non, des pâtes sur mes amis. Et j'ai dû nettoyer la cantine devant tout le monde avec une vieille robe bleue de femme de ménage. C'était la honte. Bah oui, mais ça aussi, ça va, c'est gentil quoi. Bah, attends, tu jettes de la bouffe partout et mais c'est normal que tu nettoies. Et c'est comme quand les profs ils nous faisaient recopier. Vous aviez ça, recopier le règlement? Oui, oui, ah oui. Là là. Ah, moi je vais recopier le dico, c'était encore plus chiant. Le dico? Ouais, pas en entier. Waouh! Mais des pages. Mais tu sais, une page du dico, c'est tellement écrit petit que toi, ça te fait 5 pages quoi. Et tu faisais aussi le coup d'écrire les voyelles en vert et les consonnes en rouge? Non, non, ça non. Moi, par contre, moi je pensais que l'éducateur il lisait pas. Tu vois, genre il lisait pas vraiment si t'avais tout copié, donc je sautais des paragraphes. Mais sauf que il lisait vraiment. Donc j'avais dû recopier genre 4 fois en plus tellement je l'avais pas bien fait. Non, ça c'était la loose. Ou parfois il te demandait de recopier la même phrase. Mais et oui, du coup, il y en a qui avaient la technique, ils arrivaient à tenir deux bics en main et ils écrivaient en même temps. Et ça faisait les deux phrases, c'était un truc de dingue. J'ai pas connu sa classe, Bibou. Comment, quel talent? Ah non, mais moi j'ai pas le faire. Ah non, mais laisse tomber. Dites-moi, vous, c'était quoi vos punitions de quand vous étiez petit? Vraiment le truc qui vous a marqué, mais genre, limite, ça a eu un impact sur votre vie plus tard. 3044 pour vos messages et la côté son dance floor, c'est Rochelle sur Fun. Comment? Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List. Avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos Star Fun Radio préférés, en envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment? 18h, 20h. Le samedi, c'est la Fun List sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Entrepreneur, avec BNP Paribas Fortis, gagnez votre pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Parce que dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster votre business. Oula, il y a du monde! C'est à qui? Participez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Vous savez ce que la Seat Leon ST Break offre de mieux? Des gens 17 pouces qui vont faire baver mes collègues de jalousie. Presque. Son pack connectivity pour aller sur mon Facebook. Pas mal. Son incroyable coffre pour encore plus de shopping. Exact. Mais elle offre aussi 5 300 € d'avantage. Waouh! Profitez maintenant de 5 300 € d'avantage sur la Seat Leon ST Break avec phare full LED et système de navigation. Prime de recyclage comprise sous condition. Seat. À chaque jour, c'est plaisir. Maman, j'ai plus rien à mettre. Oh, bah allons faire du shopping. Oh, génial, où est-ce qu'on va? Chez Ikea. Chez Ikea? Bah oui, on va t'acheter un dressing. Hein? Comme ça, tu vas ranger ta chambre et tu vas retrouver plein de vêtements. Maintenant, 10% de réduction sur votre garde-robe Pax. Plus d'infos sur Ikea.be. Ikea, à chaque jour, c'est plaisir. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ah mais je l'avais dit, hein, tant que le jackpot n'a pas été gagné, je continue mes blagues idiotes. Alors attention, que fait un Américain avant de mettre ses chaussures? Il met sa chaussette. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrêterai mes blagues. Là oui, merci loto. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Those were the times we had, sharing the joy that we thought would last. Memories of love and affection never really was just like a dream. Was it the simple things that made me so crazy about you? Was it your charm and your passion? It's not hard to believe I love you when I need you so hard. Pas de stress. L'Happy Hour avec Audrey vous accompagne, même dans les bouchons, de 17h à 20h. Alors maintenant, vous vous relaxez et vous augmentez le volume de la radio. Love me like no one else get you high. No one else get you high. You and I, we're so hot that we fire. We're so hot that we fire. We'll be right back. you want me to feel. I love the way that you're doing the things that you're doing. So keep on and give me that, keep on and give me that, give me that. Got you in my bones. I want you, but no one knows. I want you, but no one. Passez votre après-midi avec nous là sur Fun Radio. On est en mode dance floor comme d'habitude avec le son de Maten qui arrive. C'est Café Del Mar. Et on a François qui est là, qui vient de Malmedidi. Salut François, comment ça va? Ça va bien et vous? Il n'a pas d'accent. Il n'a pas d'accent. Ben non, je ne sais plus. Malmedidi, c'est près de quoi? C'est près de la Lure ou c'est près de Liège? Oh, c'est près de Liège. Ah ben voilà, c'est ouais. Ce qui me semble. Il y a un accent ralenti comme ça. Bon, mon François, t'as envoyé un petit message au 3044, tu voulais réagir aux punitions. Toi aussi, t'as eu droit à des punitions un peu chelous quand t'étais petit? Oui, quand même. Vas-y, balance. Alors, mes parents m'ont enfermé pendant 3 jours dans la cave et ils m'ont quand même donné à manger. Pardon? Ah ben c'est gentil. J'adore le... Mais ils m'ont quand même donné à manger. Tu sais que ça, est-ce c'est punissable. Est-ce que ton papa habite à Marcinelle? Non, mais non. Mais il est en prison maintenant, ton père. Mais ouais. Non, pas du tout. Ah, c'est pas lui. Mais non, mais ça mais c'est rigole, mais tu peux pas faire ça. Dans la cave. Mais trois ça jours. C'est. Mais trois jours. Déjà rien que comme ça, genre tu flippes tout le temps quand tes parents se disent mais va chercher une bouteille de lait à la cave. Non, ça va pas être possible. Non, mais ça, sérieux, c'est punissable. Waouh. Mais t'avais fait quoi? J'avais tué ma petite sœur. Non, mais qu'est-ce que t'avais fait? Mais en fait, c'est parce que j'avais raté mes examens en fait. Et ils veulent absolument que je réussisse à l'école. Donc c'était une bonne leçon quoi. Ah, c'est intense hein, comme, comme réaction. C'est bizarre hein. Non, mais j'aime bien. Il dit ouais, mais ils m'ont quand même donné à manger. C'est gentil. C'est un groupe de Stockholm. Ils les aiment toujours. Bah François, franchement, je sais pas si je dois te plaindre ou si je dois. Enfin, je suis un peu choquée là. Franchement, c'est énorme comme punition. T'imagines, tu fais tomber la télé, mais il t'envoie par la fenêtre là. Mais ça serait quoi la punition complètement disproportionnée? Eh François, merci d'être passé à l'antenne. Ça va mieux depuis? T'es plus à la cave, t'es sorti? Ça m'a appris une bonne leçon car maintenant je suis médecin donc c'est un bien pour un mal. D'accord, et tu vas piquer ton père pour te venger. Ah là là, mon François, je te fais des gros bisous en tout cas. Tu passes une bonne soirée, bisous. Tu reviens quand tu veux. Ça va, merci. Bisous François, à la suite du son maintenant, c'est avec Maten que ça se passe sur Fun Radio. Et restez bien là si vous voulez essayer de repartir avec votre MacBook 13 pouces Air, machin. Je dis plus les trucs dans le bon ordre. Non, mais il faut juste retenir que c'est un MacBook qui coûte 1029 euros. C'est parfait. Plus fin. Et que c'est le plus fin. Et il faut essayer de reconnaître cet animal. Je vous laisse une dernière chance de pouvoir vous inscrire. C'est quoi comme animal? Une porte. Ce n'est pas une porte, j'ai dit un animal. Donc c'est un animal domestique qui est en cage, qui met souvent plein de trucs dans ses joues, qui joue avec une roue, qui fait flipper certaines personnes. Si vous avez une idée, allez-y, vous envoyez maintenant MAC, M-A-C par SMS au 6322 avec la bonne réponse. Tirage au sort juste après les infos. Hey, tu savais que chez Krefel, ils vérifient tous les prix, tous les jours. Et s'il y en a un hors jeu, carton rouge. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Et 18h, c'est l'heure de s'informer avec Carlo Morello. Salut Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Une question qu'on se pose beaucoup en ce moment, notamment à propos du port du voile au travail. Ainsi, chez nous, une femme musulmane s'est fait virer parce qu'elle refusait de le retirer pendant ses heures de service. Elle a donc décidé d'attaquer son ancien employeur en justice. Et le tribunal d'Anvers lui a donné raison. Mais selon l'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne, une entreprise a le droit d'interdire le port du foulard si cette interdiction concerne tous les signes politiques, philosophiques ou religieux visibles. L'État belge a donc envoyé un avocat devant cette Cour de justice pour s'opposer à cette interdiction, considérant qu'en l'occurrence, il s'agissait d'une discrimination directe. Et puis le renvoi par l'Union européenne de réfugiés vers la Turquie est illégal? Eh bien, pour Amnesty International, la réponse est très clairement non. Amnesty qui demande donc l'arrêt de cette mesure, qui a fait l'objet d'un accord le 18 mars entre l'Union et la Turquie. C'est que pour l'ONG, la Turquie ne respecte pas les conditions requises par le droit international pour protéger les droits des réfugiés. Ainsi, par exemple, ces derniers restent parfois sans statut juridique pendant des années avant que leur cas soit examiné. La Turquie ne ferait rien non plus pour intégrer les réfugiés ou les réinstaller. Amnesty demande donc à l'Europe d'assumer ses responsabilités et de ne pas tout mettre sur le dos de la Turquie. En Syrie, les avions de la coalition internationale ont largué, non pas des bombes, mais de quoi faire mal à l'État islamique dans un deuxième temps. Je parlais de munitions destinées aux rebelles syriens anti-Assad et donc anti-Daesh aussi. Un largage qui s'est produit au nord d'Alep, où les rebelles ont fort à faire pour empêcher les djihadistes de s'emparer de la ville de Maraya. On dit régulièrement que Daesh a tendance à reculer en Syrie comme en Irak d'ailleurs, mais c'est visiblement pas vrai partout. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, en tout cas, c'est la première fois que la coalition balance ainsi des armes à des combattants autres que kurdes. On parle beaucoup d'une normalisation des relations avec l'Iran depuis l'accord sur le nucléaire, entré en vigueur en janvier, mais ces relations restent très houleuses tant que les ayatollahs gardent la main sur le pouvoir. À l'occasion du 27e anniversaire de la mort de l'imam Khomeini, le guide suprême de la révolution islamique, son successeur Ali Khamenei, qui détient vraiment le pouvoir en Iran, a une nouvelle fois démontré sa haine de l'Occident. Les États-Unis, la Grande-Bretagne maléfique et le régime sioniste sinistre et cancéreux, ça c'est Israël évidemment, restent les principaux ennemis de l'Iran, a-t-il notamment déclaré. Khamenei a accusé les USA de ne pas respecter leurs engagements dans l'accord nucléaire, toutes les sanctions n'ayant pas été levées contre Téhéran. Fun Radio. Fun. 5 300 € d'avantage sur la Seat Leon et Stebrake. Avec ça, on peut s'offrir de belles vacances. Barcelone, c'est parti. Prime de recyclage comprise sous conditions. Seat. Dans un instant, c'est le son de Maître Gims qui débarque sur Fun Radio avec Zoom Zoom. On va savoir aussi qu'il va repartir avec son MacBook Air 13 pouces d'une valeur de 1099 €. Si vous voulez essayer de le choper, restez bien là. On se fera ça juste après la météo. Une météo toujours maussade pour ce week-end, même si les températures seront plus chaudes, jusqu'à 25 degrés, toujours des nuages donc, et toujours de la pluie. Voilà à tous, une excellente soirée, je vous retrouve dans une heure et vous laisse en compagnie d'Audrey. Arrête de me caresser, et du son de Maître Gims, salut. Fun Radio. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro. Celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Fun Radio. Et... et ton fils, blesse, blesse, Matuidi, Ribéry, Benzema, Benzema, oh, Pogba, Pogboum, et what I we, what I know. Elle a jeté son cœur en fleuve, à part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle a dansé dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde, tout comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et appeler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas. gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le grand Playmobil n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle est bagatée, ils ont d'azou, zou. Porsche Panamera, zou, zou. Bugatti Verona, zou, zou. Berlinetta, zou, zou. Bagani, ils ont d'azou, zou. Porsche Panamera, zou, zou. Bugatti Verona, zou, zou. Berlinetta. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment de ralentir, tu t'effraies peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le 6-5. C'est le son de Ritza avec Je m'en fous. Et voilà, ça c'est dit, c'est la fin de la semaine. Sur Fun Radio, on fait ce qu'on veut. Et ouais, ça y est, le boss, il est parti. J'adore, on dirait vraiment des gosses là, ouais, tu vois. C'est bon les gars, on fait ce qu'on veut. On aura plein de cadeaux à vous filer. Il pourra rien dire, il pourra rien faire à distance. Il vient d'appeler. Et bah c'est parti, on va voir qui va repartir avec son MacBook Air 13 pouces. Il faut décrocher et me filer la bonne réponse. On cherche un animal depuis tout à l'heure. Oui, un petit animal. Un petit animal qui tient dans une cage avec des grosses joues, avec plein de trucs dedans. Ouais, et Clara Morgan. Non, c'est pas Clara Morgan. Et il mord parfois, ouais. Ah, ça bête. C'est ça bête. Allô, bah, c'est elle, alors. Allô, allô, allô. Allô. Bonjour. Allô. C'est quoi ton petit prénom? Bonjour, c'est Angelo. Bonjour, c'est Angelo. On entend que tu viens du sud, hein, toi, Angelo. Je sais pas faire l'accent, en fait, non, c'est nul. Tu le fais très mal. Angelo, tu viens d'où? Je viens d'Etterbeek. D'Etterbeek, c'est ça? Oui, Etterbeek, oui. Belle commune, hein? Bah oui, bah des. Et ou Etterbeek pour on les français. On a les moyens, hein, dis donc. Bon, Angelo, tu vas peut-être partir avec ton MacBook Air 13 pouces si t'arrives à me dire quel est l'animal qu'on cherche depuis tout à l'heure. Attention, tu seras peut-être le premier gagnant de l'émission aujourd'hui. À ton avis, la bonne réponse, c'est quoi? Je dirais un hamster. Un hamster. Ah, moi, je pensais à ça aussi. Ça commence par N, un hamster. Oh, oh, c'est okay, ça va, on peut pas rigoler. Ok, ça va, c'est bon, c'est gagné. Ouais, ouais, ouais, ça fait chier, merci. Angelo, le MacBook Air, il va repartir chez toi très vite. Eh, 1099 boules comme merci, ça. Merci. Hop, easy game. Bah de rien, Angelo, ça nous fait plaisir. Merci Guy. Merci Jackie Michel. Merci. Angelo, je te fais des gros bisous en tout cas. Tu reviens quand merci, tu. Non, ne reviens bisous. Pas parce que ça nous coûte cher à chaque ouais, fois. Donc ouais, laisse tomber. Gros bisous, Angelo. Passe une bonne soirée. Bon week-end. Merci. Bisous, bisous. T'imagines, c'est les appels les plus chers qu'on fait du monde. Mais laisse tomber, quand on l'appelle une fois, on lui file 1099 boules. La minute. Et le pire, c'est qu'on va remettre ça. Parce qu'il y aura un deuxième MacBook que je vais. On a promis que vendredi, on allait en filer trois. Alors à la fin de l'heure, là, avant 19h, je vais en refiler un deuxième. Je vous expliquerai comment faire pour le choper juste après le son d'Elle MFAO et Ritza aussi pour la suite avec Je m'en fous sur Fun.

experts ont l'air ridicules. L'Happy Hour avec Audrey vous file un coup de pouce. Ouais, on essaye globalement de vous filer plein de coups de pouce dans cette émission. Peu importe la demande, que ce soit vous avez besoin d'un taf, vous avez besoin d'une copine, vous avez besoin d'un babysitter, peu importe. Ah, moi j'ai besoin d'une copine. T'as besoin, oui, bah ça, à un moment donné. Est-ce qu'on peut faire une recherche? On fait pas les missions impossibles, hein. On fait juste les trucs qui sont abordables, tu vois ce que je veux dire. Bon, non, Bibou, je rigole. Tu veux vraiment qu'un jour on te fasse un coup de pouce pour trouver une amoureuse? Ah ouais, ce sera bien. Ouais, ouais, regarde là. Mais je suis très difficile, hein. Ouais, donc, ouais. Mais genre, bah, tu nous expliqueras tes critères. Ouais, tiens, on se fera un coup de pouce début de semaine, on fera ça pour ça toi. Ça va durer pendant 3 émissions. Ça t'inquiète cool. pas, on trouvera, on finira par trouver, on ne lâchera pas l'affaire. On a Steve qui est là en attendant, lui aussi, il a besoin d'un petit coup de pouce. Salut mon Steve. Et bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Attends, il faut qu'on te parle dans un langage que tu comprends, puisque tu viens de Waterloo, n'est-ce pas? Oui, bonjour Steve. Enchanté, enchanté. Ravi de perdre Est-ce que tu as mis ton beau pantalon rouge? C'est ça. Ah oui, avec le, tu sais, la chemise et le petit foulard qui va bien avec. Bien évidemment. Mais oui, certes, évidemment. Avec dans la mini. Oui, ah, ça c'est le minimum vital. Et bah, ça tombe. Non, par contre, ne dis pas mini parce que le monsieur il vient du garage Kia. Ah, donc merde. Tu vas éviter de faire ce genre de choses. Steve, tu travailles au garage CBM Motors Kia, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et t'es à la recherche d'un vendeur automobile. Vas-y, balance ce que t'as besoin. Voilà, donc on est à la recherche d'un vendeur commercial milieu automobile, de préférence. Ouais. Ayant de préférence un petit peu d'expérience, en tout cas dans le milieu de la vente. Mm-hmm. Et ou sinon, si c'est dans le milieu de l'automobile, avec un peu d'expérience, c'est encore mieux, on va dire. Et c'est pourquoi comme contrat, enfin s'il y a un contrat, hein, je sais pas, mais c'est vous proposez quoi oui, en échange? Tout à fait. Donc c'est un contrat à durée indéterminée. Ah, c'est quand même. Donc voilà, on recherche quelqu'un assez rapidement pendant les grandes vacances et pour continuer avec nous l'année prochaine pour le salon de l'automobile qui commence au mois de janvier et qui est assez important. Mais à Waterloo, les gens ils préfèrent pas plus des Porsche que des Kia? Mais enfin, oh là là, mais le cliché quoi. Et la Kia, non mais les Kia elles sont bien, hein. Moi j'ai roulé avec la Kia Sportage. C'est ma première voiture. Elle moi, était cool celle-là. Ah, elle est géniale quoi. Non mais sérieux, si ça vous intéresse, c'est de l'autre côté de la radio, vous avez une expérience en vente. Si c'est en vente automobile, bah c'est mieux évidemment. Parce que vous n'allez pas vendre, tu vois, il faut quand même s'y connaître un minimum. Oui. Si ça vous intéresse, allez-y, vous envoyez job maintenant par SMS au 3044. Comme ça, on vous appelle dans quelques petites minutes. Tu vas rester avec nous, Steve. Hein. On va écouter le son de Willy William là maintenant sur Fun Radio. Et on verra dans quelques petites minutes s'il y a des auditeurs qui sont intéressés. D'accord, Steve? On fait comme ça? Super, allez, on fait comme ça. Bouge merci pas beaucoup. Si ça vous intéresse, allez-y. Hein. Vous envoyez maintenant job par SMS au 3044. Tous les week-ends, 7h, 10h. Réveillez-vous avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Vous avez un téléphone, vous pouvez être piégé par Vaché. Bonjour, Speedy Bordeaux, t'es au service? Oui, je suis bien chez Speedy. Oui, c'est sur quoi ton véhicule? C'est une Audi. Oui, et de mieux, il faut m'appeler avec l'immatriculation, monsieur. Ok, j'ai compris. Et à partir de là, je pourrais vous établir un devis pour l'entretien. Ah stop, faut le dire en chantant par contre, monsieur. Vous allez me faire... un devis. Le week-end, 7h-10h, c'est Bruno qui vous sort du lit sur Fun Radio. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Allons, répète, moins 10% chez Tom & Co. Moins 10% le samedi 4 juin. Bon, il faudra être prêt pour ce samedi 4 juin. Chez Tom & Co, il y a 10% de réduction sur tous nos achats. Alors on répète, moins 10% le samedi 4 juin. Tom & Co, votre animal et vous. Voir conditions en magasin. Chez Decathlon et sur decathlon.be, les tentes quechua se montent et se démontent en deux temps trois mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose. Mais aussi pour tous les... Hé les enfants, regardez le sommet. Quand on y est, on monte le camp, d'accord? Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Allez, arrête-toi, allez. Ah, enfin quelqu'un qui s'arrête. Bonjour, vous allez en direction de Forêt? Je vais au concert des Strolling Rocks. Strolling Rocks? C'est nous les Strolling Rocks! Oh! Come on, jump in! Pas trop bien! Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Polo de Volkswagen. En ce moment, climatisation et peinture métallisée gratuite. Mais aussi une réduction exclusive de 2000 euros. Plus d'infos chez votre concessionnaire Volkswagen ou sur Volkswagen.be. Plus de télé, c'est plus d'ambiance et aussi plus d'avantages jusqu'à mardi. Plus votre télé est grande, plus grand est votre avantage. À l'achat d'une télé 65 pouces, recevez une carte cadeau de 325 euros. Conditions en magasin et sur Mediamarkt.be. Mediamarkt, je ne suis pas fou. Fun Radio. Fun Radio. Le son de coffee and a cigarette. We will smoke the last one. my twin size bed. Hour sur Fun Radio de 17h à 20h, la seule émission que vous pouvez écouter, même si votre nom de famille, c'est Bélier. Je suis en pleine négociation avec Morphée. Je suis foutu, j'ai pas sommeil. 4 heures avant d'aller danser. Toutes les nuits sont pareilles. Je suis en tête à tête avec mes pensées. J'ai tout essayé mais rien ne m'endort. Rien ne m'endort. zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum. Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig. Do it right. Tous les nouveaux sons démarrent sur Fun Radio. Le son de Dance Floor. Avec Sia featuring Sean Paul, que ça se passe. Il y aura aussi Galantis que je vous ai calé pour la suite avec No Money sur Fun. Mais d'abord, on a du cadeau Fun Radio à balancer puisqu'on va se faire le tic-tac-boom. Yeah, le tic-tac-boom, c'est nouveau dans l'émission. Il y a une liste de mots. Fab et Bibou s'affrontent et essayent de faire deviner un maximum de mots aux auditeurs. Celui qui repart avec le max de points gagne le cadeau Fun Radio. S'il passe un autocollant, donc il faut rester concentré quand même. Non, mais moi je veux plus jouer. Bah, de toute façon, t'es perdant. Donc, pour le moment, c'est quand j'en même Fab marre de qui est en tête. J'avais bien ce jeu, mais non. Mais t'es mauvais. C'est impossible de me battre, mec. T'es mauvais. Attends, dis pas ça parce que c'est la fin de la semaine. Ouais, fais attention. Le Bibou, il est en forme. C'est vendredi, c'est le week-end. Tu vois, il peut. Et le vendredi. Tout est permis. Moi, je sens que je vais battre mon score aujourd'hui. Ah ben, on va voir ça. On a d'un côté, Raphaël, c'est ça. Raphaël qui vient de Wham. Salut, Raph. Exactement. C'est où, Wham? Wake me up. Tout près de mon c'est de Boussu. Ah, près de Boussu les Walcourt, c'est ça? Non. Pas celui-là. Non, Wham, t'as essayé de faire la maline. Je voulais faire genre, je m'y connais un peu, mais en fait. Il y a plusieurs Boussu apparemment. Ouais, oui, visiblement, ouais. Bon. Boussu les Walcourt, c'est dans les Ardennes. Ah oui, Wham, ça effectivement rien là à voir. Où j'habite, c'est tout près de Mons. Ah ben voilà. Et c'était bien le doudou, là, il y a quelques jours? Ah, génial. T'as attrapé, attrapé la flèche. Non, la mais queue. C'est pas la flèche. Mais c'est pas. Ah, c'est, la queue, ça, c'est clair, je l'ai attrapé. C'est bizarre, je veux pas. Ça vient gênant. D'accord. C'est une petite discussion, mais gêne vraiment beaucoup. Non, mais c'est quoi qu'il faut faire? C'est mais pas c'est attraper le. Non, mais attraper la queue. C'est attraper le crin qu'il y a sur la queue, pas la queue. Hein. Ah, ok. Le crin de cheval, bien sûr. T'imagines, le type. Et Bibou, il va aller au doudou, il va repartir quand même avec la queue du dragon. C'est genre. Pour fois que la guêpe Pride. Non, mais. Et à la fin, il faut le tuer, c'est ça? Ouais, de toute façon, il perd tout le temps, le dragon. C'est toujours. Comment il s'appelle Saint-François? Non, François. Comment il s'appelle le gars qui gagne toujours le combat? Saint-Georges. Ah, Saint-Georges, rien à voir. Bon, il y avait Saint dedans, ça fait quand même un demi-point pour moi. Bon, Raphaël, tu vas jouer au tic-tac-boom. Tu veux jouer avec qui? Tu veux aller dans quelle équipe? Celle de Bibou ou alors celle de Fab? Ah, Fab. Ah bah, il a tout compris, Raphaël. Yeah. Et bah, ça marche. Raphaël, tu seras donc dans l'équipe de Fab et tu vas affronter Kevin qui vient de Liège. Salut Kéké, comment ça va bien? Ça va bien jouer. Et bah, elle n'a pas d'accent aussi. Attends, Kevin, parle un petit peu pour voir. Oui, non, on exagère un petit peu. Non, on n'a pas l'accent. Bon, mon Kevin, je ne sais pas si tu as entendu, mais Raphaël, il a choisi Fab. Donc, du coup, bah, il te reste Bibou pour l'équipe jouer. L'équipe des gagnants, voilà. Bienvenue. Ce n'est pas vraiment l'équipe des gagnants, mais pourquoi pas, tu peux renverser la tendance, hein, voilà. La vapeur. Donc, la vapeur. Voilà. Comme on est vendredi, est-ce qu'on ferait pas point compte double aujourd'hui? Point, oui, c'est ça, emballe-toi. Donc, bah tu vas bien mais te calmer. Mais pourquoi pas? Mais même si on les faisait point triple, tu me rattraperais pas. Mais oui, ça ne changerait rien, Bibou, de toute façon. Bon, du coup, Kevin, tu es avec Bibou. On commence par Raphaël et Fab, d'accord? Raphaël, tu te sens prêt? Prêt, départ. Sois bon, hein. Allez hop, attention, 3, allez, top, 2, départ. 1, go. Alors, c'est un meuble où on met des choses dedans. Un dressoir? Non, des vêtements, tu mets des vêtements. Garde-robe. L'autre mot, le mot basique. Il va pas me faire perdre. Galère, hein. On peut dire voilà, c'est une à glace aussi. Tite. Là, je sais pas. Ah, mais c'est dommage. Mais merde! Il y en a chez qui ça se. Là où tu mets des vêtements, c'est une garde-robe. Non! Oh, zéro! Hey, c'est un piège là, mec, un piège. Ah, c'est bon ça. Waouh, Raphaël, je suis désolée, du coup on est content, mais c'est parce que tellement Fab il fait le malin. C'est pas possible quoi. Mais Raphaël, ça te fait 0 points. Hein. Bon, donc je peux faire qu'un point, c'est bon. Hey, mais toi, aujourd'hui. Tu serais capable même pas le faire, ouais, le c'est point. Ça, ouais. Je donc fais pas trop le malin. Encore. Ouais. Tu dois reprendre à bon mot vu que je l'ai pas eu. Ouais, fait. C'est vrai, ça fait un petit avantage. Oh, mais t'arrives à le faire deviner, toi. Alors, Kevin, tu fais équipe avec Fabien. Attention, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. On met ça dans la chambre et en général, on met ses vêtements dedans. Pour ranger ses vêtements. Non, un autre mot. Garde-robe. C'est presque meuble. Ça. Synonyme de garde-robe. Oh, j'ai bon. Allez, on met ses vêtements dedans, on met ses chaussettes, on met ses slips, on met tout dedans. C'est pas un dressing, c'est tiroir. Un. Non, mais. Mais c'est ce qui l'entoure. J'ai bon. Un synonyme. Oh, mais propose des choses. Une arme. Non, C'est perdu. Non, mais là, on a un problème. Là, ça non, fait 0 à 0. C'est une armoire. Mais j'ai même pas. Oui, c'était une armoire, les gars. Hein. Mais j'ai même pas un gagnant. Comment on fait? Attends, tu sais quoi? On fait un truc. Ah bah, on recommence. Ah bah, ouais. D'accord, non, on peut pas lâcher le truc comme ça. Donc, allez, Raphaël, on recommence. D'accord? Parce que là, c'est pas possible. Okay. On se concentre. C'est reparti. C'est Fab. 3, 2, 1. Go! Ma feuille! Attends. On va partir de maintenant. C'est un légume. On l'emploie pour Halloween. On fait des dessins dedans. Mais mec, réveille-toi s'il te plaît. Mais t'as pris de la drogue ou? Allez, vas-y. C'est orange. Allô, est-ce que tu comprends ce que le monsieur te dit? Il est plus là, je crois, il est parti. Ah, il a raccroché, c'est normal. Moi, je suis avec quelqu'un qui a raccroché. Perdu. Eh ben non, mais c'est perdu. C'est tant perdu. Pis pour toi. Pourquoi? Bah, moi, j'ai citrouille. Ah non, mais il y a Kevin qui répond. Eh ben, hey, ça fait 0 points pour l'équipe de Fab. Ton, ouais, ton coéquipier a déserté. Ah bah ça c'est pas notre problème. Mais, oui, mais si tu pars en guerre avec ton soldat et que le soldat il est pas là, bah, voilà, tu perds la guerre. Meurs, c'est ouais, comme ça, c'est la vie. C'est bah la du vie. Coup, hey, Kevin, il te suffit de faire un point et t'es le grand gagnant, d'accord? Ok. Attention Kevin, c'est parti. On dit que Mimi Mati c'est une. Elle est Un ange. Mais non. Nain, oui, voilà, un nain, c'est une bonne réponse. Deuxième, c'est un animal méchant avec des grandes dents. Et c'est un garou. Et non, ça tu peux pas. Non, je valide pas. Ça fait pas. On peut mettre des pommes, des poires dedans. On peut le tenir en main, c'est pratique. Un panier. Voilà. Yes, un panier. Deux points. Dans les supermarchés, on l'utilise pour avancer et mettre ses courses dedans. Un caddie. Non, une autre. Eh ben, ça fait deux points quand même. Bravo, Kéké. Ouais. Yeah. Bravo, je Kevin. Je savais que vendredi c'était le jour de la victoire. Et ben Fab, j'ai envie de dire que t'aurais mieux fait de te taire, quoi. C'est le bibou qui remporte le match. Il a raccroché. Et c'est Kéké qui gagne. Kéké, tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées. Bien joué. Et ouais, tu vas repartir avec ton cadeau Fun Radio. Félicitations. Est-ce qu'on peut mettre le son de victoire? On peut mettre le son de victoire, vas-y, fais-toi plaisir. Allez. Je veux des applaudissements aussi. Ouais. Merci, merci. Fab, on est bon jeu. Ça fait plaisir. Allez, on applaudit. Oh, regarde le mauvais perdant, quoi. Allez, mon Kéké, félicitations en tout cas. Si vous voulez venir jouer avec nous à ce jeu, bah, hey, vous venez sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Vous mettez un petit mot et comme ça, on vous prendra à l'antenne la semaine prochaine. La suite du son maintenant, c'est avec Sia featuring Sean Paul. Que ça se passe, il y aura Galantis aussi. Et je vous rappelle qu'on est à la recherche d'un vendeur automobile pour aller travailler du côté de Waterloo dans le garage Kia. Si ça vous intéresse, vous envoyez Job par SMS au 3044 et on vous prend à l'antenne juste après. Partez vous éclater à deux avec transport et hébergement en Hongrie au Balaton Sound grâce à Fun Radio. Fun Radio. Sur scène, Dimitri Vegas et Like Mike, Robin Schulz, Oliver Heldens, Martin Garrix et plein d'autres. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio. Partagez le post du Balaton Sound et laissez un commentaire avec le nom de la personne Facebook qui ira faire la teuf avec vous en Hongrie en VIP. Le Balaton Sound, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Avec Destination Clubbing, le partenaire transport officiel du Balaton Sound. Ce soir à 21h45 sur Plug RTL, The Walking Dead, saison 2. Laurie Grimes, c'est Rick qui m'envoie, suivez-moi. Quoi ? Carl a reçu une balle dans la poitrine, il est en danger. La série événement continue. L'école. Vous avez établi un centre médical d'urgence là-bas. Doyez voir ce dont j'ai besoin. La zone était infestée la dernière fois que j'y ai mis les pieds. The Walking Dead saison 2, ce soir à 21h45. Les plugs RTL. Happy Hour. Happy Hour tous les jours sur Fun Radio. De 17h à 20h. La seule émission radio que même les sourds écoutent. Fun. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on. Turn the radio on. It's Friday night. Makeup on, it's Friday night, and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you, baby. And to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. Pop is the thing you ever make me feel weak, girl. Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. I don't need. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As best radio station on my radio. Let's song dance floor. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Du son explore Major Lazer qui arrive sur Fun featuring les petits perroquets. Pourquoi les petits perroquets? Parce qu'il y a toujours un ah mot ouais, bizarre. Ouais, enfin, je sais pas si c'est un perroquet ou si c'est autre chose, mais bon, c'est assez original. Avant ça, avant de vous passer Major Lazer, on a un auditeur qui est là, qui est intéressé par le job là, qu'on vous a proposé. On est à la recherche d'un vendeur automobile pour aller travailler au garage CBM Motors Kia qui se situe à Waterloo. C'est Damien qui est là, qui vient de Bruxelles. Salut Damien. Salut. Ça va bien? Ouais, bien, bien. Damien, toi, ça nous fait plaisir. Si on peut te filer un petit coup de pouce, c'est dans l'émission, on essaye. Hein. Damien, toi, t'es intéressé par le job de vendeur de voitures? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et t'as déjà bossé dans le domaine? Ouais, un peu. Mais franchement, passionné par ça. J'étais dans le vol de voiture avant, et puis là, j'ai envie de la vendre, mais non, c'est bien. N'empêche, ils s'y connaissent bien, hein, du coup, en mécanique, tout ça. Comment faire pour réparer une portière, par exemple, ça peut être intéressant. Comment ouvrir une portière? Comment ouvrir aussi une portière, pourquoi pas. Damien, t'as déjà bossé dans le domaine ou pas du tout? T'es juste un passionné de voiture? Non, j'ai travaillé là-dedans, mais maintenant, voilà, j'ai déménagé. L'endroit où il y a le job me convient vraiment. Quoi. D'accord. À Waterloo, voilà. Tu m'étonnes, il y a pire comme destination de travail quand même. Tu vas voir des jolies clientes arriver, genre bonjour, ouais. Je voudrais une Kia, ouais, c'est trop bien. Ouh, intérieur cuir, ouais, trop bien. Enfin voilà. Quoi. Remises, ah ouais. Tu vas pouvoir négocier tout ça, mon Damien. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais filer tes coordonnées du coup à Steve. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Je vais filer tes coordonnées à Steve et comme ça, Steve pourra te rappeler, d'accord, et tu fixes un rendez-vous avec lui. On fait comme ça? Ouais, génial, merci. Je te fais des gros bisous, Damien. En tout cas, tu nous tiens au courant de comment s'est passé ton entretien, hein, d'accord? Ouais. Ouais, génial. Super. Gros bisous, Damien. Passez une bonne soirée. Rassurez-vous, pour tous ceux qui ont envoyé job par SMS au 3044, eh ben, je vais filer toutes vos coordonnées à Steve aussi. Comme ça, il n'y a pas de raison. Hein. Tout le monde a sa chance dans l'émission. Donc voilà, rassurez-vous pour ça. On va se faire le son de Major Lazer côté son dance floor sur Fun Radio avec All My Love. Et juste après, on va vous expliquer comment faire pour repartir avec le deuxième MacBook Air de la soirée. Wow. Et, bougez pas. European. Découvrez le classement des plus gros tubes dance dans l'Eurodance 25, sur Fun Radio. Chaque dimanche de 18h à 20h, Nico C vous mixe le classement des 25 tubes dance électro qui font bouger toute l'Europe. C'est Eurodance 25. Le classement européen de référence sur Fun Radio. Le son dance floor. Vous êtes au volant? Regardez un peu votre compteur. Il est à combien? Et depuis quand roulez-vous avec cette voiture? Vous savez donc combien de kilomètres vous faites par an? Moins de 15 000. Alors, vous pouvez économiser jusqu'à 50% avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. En plus, en ce moment, vous recevez jusqu'à 6 mois gratuits d'assurance responsabilité civile. Corona Direct, c'est comme ça que je veux être assuré. Calculez votre bénéfice sur coronadirect.be. Disney Channel présente et action. 5 amis qui ont une chose en commun. Ils ont une passion. Je crée de super vidéos. De la magie numérique. J'ai un blog beauté. Je compose des chansons. Qu'ils partagent en ligne. Suis Nina, Max, Tommy, Zoé et Elise dans la toute nouvelle série Just Like Me. Dès le samedi 28 mai à 8h45 sur Disney Channel. Oula, toi ça va pas du tout. Oh non, mon oral d'anglais me prend le chou. Mais tu t'en fous, Marilou. Tu prends un alou et ça change tout. Regarde, tu mets une grosse patate dans un micro-ondes, tu te la fourres dans la bouche. Ouf. Tu changes les R en W et zou. Je ne peux pas comprendre rien. Ah bah tu repasseras au mois d'août. L'anti-coup de mou. C'est Nalou. Regarde comment tu trouves mon nouveau diadème. C'est joli. Avec ces deux verres là, c'est classe. Hein. Ça vient d'où ça? Pearl Opticien. Et alors le mieux, c'est que quand tu places le diadème sur ton nez, hop, tu vois mieux. Non. Si. Et ça t'a coûté combien? Rien. J'ai acheté des lunettes et je l'ai reçu gratuitement. Oh, dis, je veux aussi un diadème. On a toujours besoin d'une deuxième paire de lunettes. Alors achetez maintenant chez Pearl Opticien une paire de lunettes et recevez une deuxième paire gratuite. Également valable sur les lunettes solaires correctrices. Conditions sur pearl.be. Nous prenons soin de vos yeux et de votre portefeuille. À chaque jour, c'est plaisir. Maman, j'ai plus rien à me mettre. Oh, bah allons faire du shopping. Oh, génial, où est-ce qu'on va? Chez Ikea. Chez Ikea? Bah oui, on va t'acheter un dressing. Hein? Comme ça, tu vas ranger ta chambre et tu vas retrouver plein de vêtements. Maintenant, 10% de réduction sur votre garde-robe Pax. Plus d'infos sur Ikea.be. Ikea, à chaque jour, c'est plaisir. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance. Le son dance. drôle de dame. Audrey, elle, a de drôles de collègues. Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Amor. Avec Sigala, que ça se passe sur Fun Radio. C'est Stay You Do sur Fun. Ça respire le week-end, ce son. Non, c'est beau. J'aime ça. Bien. C'est beau. Hein. Mais qu'est-ce que tu parles bien. Ouais, tu sais, les expressions des années 80, ça respire le week-end. J'ai envie de dire tout sur le dance floor. Ah non, l'espace danse. La dernière fois, ma grand-mère, elle m'a balancé ça. Oui, alors, c'était bien sur l'espace danse. Non. Hein, comment ça. Je vais dire le dance floor, mamie. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est ok, c'est mignon. Mais c'est une belle tentative quand même. C'est, voilà, il faut reconnaître. C'est mignon. C'est mignon tout plein. Bon, les gars, juste avant de vous caler Sigala, là, avant d'aller faire les infos avec Carlo, je vous avais promis de vous rebalancer un MacBook Air 13 pouces. 128 gigas, 1099€, le cadeau que tout le monde rêverait d'avoir à la maison. Pour ça, il faut essayer de me reconnaître cet animal. C'est quoi ça? C'est un bébé qui pleure, ça, non? Qu'est-ce que c'est? Attends, vas-y, remets. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es sûr que c'est un animal? Attends, mais Kéké du Standard, viens deux secondes ici, parce que c'est Kéké là qui l'a choisi le deuxième. Qu'est-ce que ouais. c'est que ce truc? Bah, c'est un animal qui est super connu en tout cas. Merci Kéké, mais sinon tu peux nous donner un vrai indice parce que là. Ouais, ça, bah, on les trouve dans le Roi Lion. Merci. Ah, je sais! Waouh! Je quoi? Sais, je sais. S'ils sont ces gens bah, les méchants. C'est des lions dans le Roi Lion, il y a non, d'autres bêtes. Il y a autre chose, ouais, ah, ouais. Avec comment il s'appelle le méchant là? Le frère de l'autre qui est gentil. Mufasa. Mufasa. Non, Mufasa c'est le gentil. L'autre. Comment Simon il s'appelle Pumba, non, non, pas Melchior. Pas Ska. Ah, Ska, voilà, c'est comme ça. Ska, il a, trois il a, lettres, Ska. Ska, c'est Ska. Ça. Et il a des espèces d'animaux autour de lui qui sont pas très très sympas. Qui ont l'air sympas parce que ça rigole tout le temps. Mais en fait, c'est pas très très gentil. Spécialement. Mais ça rigole. Vous voyez ce que c'est ou pas? C'est comme des chacals, mais c'est pas des chacals. C'est des gros chats qui rigolent tout le temps, un truc comme ça. Si vous avez une idée, allez-y. Vous inscrivez maintenant, je tire quelqu'un au sort. Juste après les infos, vous envoyez Mac MAC par SMS au 6322 avec l'animal qu'on cherche. Et là, côté son Enflore, c'est Cigala sur Fun. À la mi-temps, je vais chez Krefel. Hein. Enfin, sur Krefel.be, ouvert 24 heures sur 24, livré le lendemain. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Il est 19h sur Fun Radio. Merci de passer votre soirée avec nous. C'est le son d'Imani qui arrive dans un instant. Je vais sélectionner aussi quelqu'un qui va repartir avec son MacBook. Ce sera juste après les infos, maintenant avec Carlo. Salut Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Très très fâchés les Turcs après la reconnaissance hier du génocide arménien de 1915 par le Parlement allemand. Mais ça, fallait s'y attendre, évidemment, la question étant de savoir comment Ankara compte exprimer sa colère. Le président Erdogan a averti que cette résolution allait sérieusement affecter les liens entre les deux pays. Mais le Premier ministre tient visiblement à calmer le jeu, estimant que la Turquie et l'Allemagne, je cite, étaient deux alliés très importants et que leur relation n'allait pas se détériorer totalement. Fin de citation. Le mot de la semaine dans l'actu, c'est très clairement le mot grève, mais d'ici le 23 juin prochain, c'est le mot Brexit qui devrait le remplacer en tête de ces news. Dans 20 jours exactement, les électeurs britanniques vont devoir se prononcer pour ou contre le maintien de leur pays dans l'Union européenne. Et dans la patrie d'Alfred Hitchcock, c'est un insoutenable suspense qui nous attend, puisque les derniers sondages donnent le oui et le non à l'Europe au coude à coude. Le Premier ministre David Cameron, en faveur du maintien, a inauguré hier la première de 8 soirées consacrées au référendum sur les différentes chaînes de télé. Il a notamment déclaré que quitter l'Union serait un acte d'automutilation économique, craignant qu'un divorce avec Bruxelles fracasse l'économie british. Ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants, a-t-il encore asséné sur Sky News. Vous avez sans doute entendu parler de ce petit japonais de 7 ans abandonné par ses parents en bordure d'une forêt, ses parents qui voulaient le punir parce qu'il balançait des cailloux sur les voitures et les passants. Papa et maman étaient vite revenus récupérer notre petit chenapan, mais ce dernier ne les avait pas attendus et s'était s'était donc perdu dans la forêt. Bah oui, les cailloux en question, il aurait peut-être dû les utiliser à la manière du petit pousset, hein, histoire de pouvoir revenir sur ses pas. Au lieu de ça, il a erré pendant 6 jours avant d'être retrouvé vivant aujourd'hui par un militaire. Le petit Yamato semble en bonne condition physique, mais a été conduit à l'hosto pour un check-up qui s'impose. Tout semble donc bien, qui finit bien. Enfin, à une semaine pile poil du début de l'Euro 2016 de football, la Belgique abordera cette compétition avec le meilleur classement mondial de l'ensemble des participants, ce qui est assez logique, hein, puisque les Diables Rouges sont deuxièmes au classement FIFA, que le premier c'est l'Argentine et que l'Argentine c'est pas en Europe. Mais lorsque le prochain classement mondial sera publié le 14 juillet, il devrait être très différent de ce qu'il est aujourd'hui, en espérant que ce ne sera pas le cas pour la Belgique, hein, vu que ça voudra dire qu'elle aura brillé en France. Un petit mot d'athlétisme aussi pour signaler que l'américain Justin Gatlin, 34 ans, a remporté le 100 mètres du meeting de Rome avec un chrono de 9,93 secondes. Le garçon, plus il vieillit, plus il court vite, et tout ça sans dopage. 5300 euros d'avantage sur la Seat Leon ST Break. Destination Barcelone. Je lance la navigation qui est comprise, tout comme les phares full LED et la prime de recyclage sous condition. Seat. Si vous voulez repartir avec votre MacBook Air 13 pouces, restez bien là parce qu'on va sélectionner le grand gagnant juste après la météo. On est à la recherche d'un animal qui commence par H. C'est un peu comme un gros chat qui rigole tout le temps. Il y en a dans le Roi Lion pour ceux qui ont déjà vu le dessin animé Disney. Si vous avez une idée, allez-y, c'est maintenant que ça se passe. Votre dernière chance de vous inscrire, vous envoyez Mac MAC par SMS au 6322 avec la bonne réponse. Tirage au sort juste après la météo. Carlo, c'est quoi le programme? Les températures ce week-end seront comprises entre 20 et 25 degrés. De ce côté-là, tout va bien. Mais il n'y aura que les températures, hein, qui seront agréables, parce que pour le reste, ce sera vraiment pas gêné, avec toujours pas mal de nuages et toujours des averses. Il faudra sans doute attendre au moins mardi prochain avant que le soleil ne fasse son retour. Retour des infos en ce qui me concerne, c'est lundi à midi. À tous un excellent week-end. Je vous laisse en compagnie d'Audrey. Fun. Fun Radio. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Mathieu Canabi qui arrive dans un instant sur Fun Radio avec Miss California sur Fun. Il y aura aussi Autonose pour la suite du son Dance Floor. Mais avant ça, on va accueillir Maxime qui vient de Bruxelles, qui a 25 ans et qui va peut-être partir avec son MacBook Air 13 pouces, 128 gigas, 1099 euros, le plus fin de toute sa génération, celui que tout le monde rêverait d'avoir à la maison. Ouais. Maxime, bienvenue sur Fun. Salut tout le monde, salut l'équipe. Ça va bien ? Ça va super, ouais, génial. C'est quoi le programme de la soirée, Max ? Bah, avec les amis, on va profiter, boire un petit verre, voilà. T'as la belle vie, tu sais. Colo. Et en même temps, on va pas faire la leçon, l'émission elle s'appelle quand même Happy Hour, tu vois ce que je veux dire, donc voilà. Dans ces cas-là, on se tait et on dit rien du tout. Bon, Max, on est à la recherche d'un animal depuis tout à l'heure, à ton avis, c'est quoi ? Alors moi je pense que c'est la hyène. La hyène. Alors il y en a dans le Roi Lion, ça fonctionne, ouais. On l'a dit tout à l'heure, ça rigole, enfin on dirait que ça rigole, ouais. Mais finalement c'est pas très très gentil. Non. Eh ben Max, eh ben c'est gagné. Ouais, ouais. Oh, génial. Allez, t'es le deuxième gagnant de la soirée. Tu repars avec ton MacBook Air 13 pouces. Tu raccroches pas, Maxime. On va reprendre toutes tes coordonnées. Non, il est tout fin, justement. Ouais, il est pas énorme. Il est tout, tout fin, tu vas voir. C'est la classe. Ouais, merci beaucoup, Fun Radio. Merci, Audrey. De rien, Maxime. On te fait des gros gros bisous. Tu reviens quand tu veux. Super sympa. Hein. Bisous, salut, hein. Max. Bisous, ciao, ciao. Salut, si vous aussi vous laissez de repartir avec votre MacBook comme Max, eh bah, restez bien là parce qu'on avait promis qu'on en filerait 3. On est à 2, donc bah, d'office, il y en a un qui va arriver dans et quelques minutes. Hein. Bougez pas. She's Miss California. Heard a thing that wants to lay. Housing by the water. Say the yard across the bay. Drive the Marinello. Hollywood's a fairy scene. Loves to be surrounded. Superstar, they know her name. Comme un aimant, elle m'attire, mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant, même si tout nous oppose. Ses yeux noirs, c'est toujours la même histoire, la même envie de la serrer fort contre moi jusqu'au bout de la nuit. She's Miss California. Heard a thing that wants to lay. Housing by the water. Say the yard across the bay. Drive the Marinello. Hollywood's a favorite scene. Loves to be surrounded. The superstar, they know her name. J'ai fait le pas, je comprends mieux pourquoi. C'est trop pour moi, superficiel je crois. Je ne me vois pas perdu dans un monde qui ne me ressemble pas. Loin d'une réalité qu'elle a semblé oublier. Elle m'a emmené, j'ai voulu tenter le coup. Avec elle j'ai voulu jouer, mais l'amour m'a rendu fou. She's Miss California. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. As a kid they told me love was made up. But I used to tell them they were wrong. Cause the blue dot girl that made me wake up. Is still right by me in the song. I stood there counting every heartbeat. Thinking about the words to say. Trying not to understand that feeling. Would it ever go away? Now those were the days before you had to go away. Non mais Fab, essaye de faire le malin, c'est pas grave. Les cancers. Alors on ne peut pas dire que soyez spécialement calme, surtout quand vous conduisez. Et c'est pas la petite vieille accrochée au capot qui dira le contraire. Les lions. Vous êtes d'un calme olympien, rien ne vous énerve. C'est même le contraire, vous êtes tellement calme que c'est vous qui énervez les autres. Et les vierges. Vous calme, laissez-moi rire, votre surnom c'est Duracell, vous n'arrêtez jamais. Les balances. On ne peut pas dire que vous soyez vraiment quelqu'un de calme. Vous êtes tellement nerveux que vous pourriez alimenter toute la Belgique en électricité. Scorpion. Alors vous démarrez au quart de tour. Votre devise c'est je fonce d'abord, je réfléchis après. C'est très bien ça comme devise. Les Sagittaires. Vous êtes tellement calme que souvent on vous pince pour voir si vous êtes toujours en vie. Capricorne. Vous calme, vous êtes tellement nerveux que même Amélie de Secret Story a peur de vous. Les Verseaux. Vous êtes aussi calme qu'un volcan, on sait jamais quand vous allez rentrer en éruption. Et enfin les Poissons. Vous êtes aussi calme qu'une mer agitée en pleine tempête, ça répond à votre question. Allez, écoutez son dance floor, c'est Justin Timberlake, co-promis. Et juste après on va se faire le baby blind, tiens ça fait longtemps. Ah oui. Il y aura du cadeau Fun Radio à choper. Vous savez quoi, on va faire un truc. On va faire le baby blind. Celui qui a la bonne réponse au baby blind, je lui refile un MacBook. On fait mais comme ça. Non. Ah, ouais. Hop, c'est parti. Juste après Justin Timberlake, restez là. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin. Avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumé Toscane, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son dance floor. Chez Charles présente l'école de la fine bouche, là où on élève la viande pour devenir de la charcuterie fine. Allez, la poitrine de dinde, un petit effort pour moins de gras. Oui, Charles. Là où on sélectionne les produits avec soin et où on place des icônes santé. Qui est sans gluten par ici? Nous. Tous à gauche. Là où on vient juste de changer de nom. Et comment on s'appelle maintenant? Chez Charles. Cox Fresh est devenu Chez Charles. Participez au championnat Chez Charles et peut-être regarderez-vous l'Euro 2016 sur l'une de nos 10 TV super luxe à écran plat. Jetez un œil sur chezcharles.be. Des de Vos ou Elements. Ou les packs demain, on a un grand barbecue, hein. Et alors? Ah bah, il faut pas se coucher trop tard. Pourquoi? Parce que si on veut être en forme, faut qu'on aille au lit. Oui. L'aille au lit qui donne du goût à l'été. La voilà. De Vos Elements. À table. Fun Radio présente la compilation Club and Dance avec Toujamo et Tayo Cruz, Martin Solveig, Boss, Linka et Mondélogé, Basto et Natasha Bedingfield, Oksoon, DJ Flash featuring Kevin Mengi, Magic Cut, Willy William remix dédié, en vente partout. À chaque jour, c'est plaisir. Maman, j'ai plus rien à mettre. Oh, bah allons faire du shopping. Oh, génial, où est-ce qu'on va? Chez Ikea. Chez Ikea? Bah oui, on va t'acheter un dressing. Hein? Comme ça, tu vas ranger ta chambre et tu vas retrouver plein de vêtements. Maintenant, 10% de réduction sur votre garde-robe Pax. Plus d'infos sur Ikea.be. Ikea, à chaque jour, c'est plaisir. Fun Radio. Fun Radio. God, I could leave you, cause I feel my heart numb. It hits so deep, I close my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face. So I stay. But I don't need you, and you should know that, baby. It'd take a miracle for you to really try and change me. And

Découverte Fun Radio. Et dans un instant, on va savoir qui va repartir avec son MacBook Air. On va se faire le baby blind, mais d'abord, c'est parti pour Yannick, c'est Feel the Love sur Fun. Every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love. C'est l'hymne officiel de la Coupe d'Europe qui arrive sur Fun Radio, le nouveau David Guetta featuring Zara Larsson. Ça arrivera juste après le Baby Blind qui débarque dans l'Happy Hour, c'est parti. Le Baby Blind de l'Happy Hour avec Audrey, 17h-20h sur Fun Radio. Et aujourd'hui c'est un Baby Blind un peu particulier parce que d'habitude vous repartez avec du cadeau Fun Radio, mais là on a décidé de vous filer un MacBook Air 13 pouces. Si vous arrivez à me retrouver la musique que le petit bout qui est venu dans les studios de Fun Radio essaye de chanter. Petit indice, c'est du son dance floor. C'est déjà passé sur Fun Radio, comme ça si je peux vous aider, voilà. On peut. C'est un truc nouveau ou pas ? C'est un truc... Non, c'est pas nouveau du tout même. C'est un truc que tu fais des chorégraphies quand tu vas à un mariage, tu vois. Genre un truc un peu ringard maintenant. C'est, bah écoutez, vous me direz après, vas-y balance le son. Yepa, ne savait pas la Dos, tres, un pasito adelante, María. Esa se llama Payala. Boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Bon, j'avoue que ça. Je suis pas sûr des boum, boum à la fin. Non, mais, je sais même pas s'il y avait des boum, boum dans la chanson. Mais non. Bon, allez, c'est vite fait, c'est un petit bout aussi. Il fait ce qu'il peut. Vous avez une idée dans l'équipe de ce que oui, c'est? Fab l'a trouvé, Bibou. Ouais, moi je vois ce que c'est, mais je sais plus dire l'artiste ou le l'artiste, titre. Ça commence par R. Ok. Ah ok, je vois. RM. Il a deux pr... Non, quoique ça c'est pas un prénom, je crois, son deuxième truc. Si, ouais, ça pourrait être un prénom. En français, c'est un prénom. Ouais, c'est voilà. Vrai. Ça, c'est le prénom de mon ex amoureux quand j'étais en primaire. D'accord. Bon, allez, si vous avez une idée, vous envoyez maintenant eh bien, Mac par SMS au 6322 avec la bonne réponse. On réécoute une dernière fois le Baby Blind et je tire quelqu'un au sort juste après. Yep. Ça va, Dalaya. Yo, stress, un pasito, palante, María, esa se llama Payala, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Alors, c'est qui chante ça? On a tous dansé là-dessus, un mariage ou un anniversaire. À l'époque, on faisait des chorégraphies de dingue dessus. Au bon vieux temps. Au bon vieux temps, comme on dit. Si vous avez une idée, vous envoyez Mac maintenant par SMS au 6322. On va être gentil, vous envoyez soit le titre, soit l'artiste. D'artiste. Voilà, un des deux, et ça fonctionne. On tire quelqu'un au sort juste après David Guetta sur Fun Radio. La suite du son des fleurs, c'est avec Souf que ça se passe. C'est Mi Amor sur Fun Radio. Quelle belle chorégraphie. Et dire que bientôt ils vont mettre des caméras en studio, on n'est pas dans la merde. Ah ouais, vous allez pouvoir voir des chorégraphies de fou, mais dignes de Broadway. C'est quoi. Cool parce que t'es obligé de se maquiller comme ça tous les jours. Ah ouais, je suis maquillée aujourd'hui. Bah, c'est ce que je dis. Ah ouais, c'est pas cool. Aussi jeune qu'aujourd'hui, tous les jours. Comment ça? Ah ouais, ça se voit pas? Bah. Si, regarde, ah ouais, j'ai mis du ricine. Ah oui, effectivement, sur les yeux. Voilà, j'ai fait des yeux de biche. Tu as mis du fard à paupières aussi? J'ai mis du fard à paupières. C'est magnifique. Et brillant. Un peu de blush. Un peu de blush. Ouais, ils s'y connaissent. Bah écoute, j'ai dû subir les vidéos de maquillage YouTube de ma copine pendant 2 ans. Ah, c'est ça, voilà. Maintenant, ouais, il est au taquet, du taquet, le bibou. Parce que par exemple, si je dis. Attends, si je dis mascara, c'est quoi, Fab? Quoi? C'est quoi du mascara? Ah, moi je sais. C'est. Allez, quoi? Je sais pas, ça se met sur la tronche? Mais oui, mais c'est quoi? Bon, non, tu sais pas ce que c'est du mascara? La crème pour la peau? Mais non, c'est. Mais s'il vous plaît, quoi? Mais le mascara, c'est le ricil, quoi? C'est le truc que tu mets sur les cils? Pour mettre. Bah alors pourquoi t'as pas dit ricine? Ok, laisse tomber, je sais même pas pourquoi je lui pose des questions. Laisse tomber. Moi je connais Fab. Rouge à lèvres, c'est tout. C'est très bien, c'est déjà très très mais bien, par ça contre, te fait une moyenne. T'as pas mis un truc pour cacher ton bouton là? Laisse-moi tranquille, je fais de l'acné, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas fait d'acné genre à 18 balais, mais à 28 ans bah, je refais mon acné. Là, hein. Ça, c'est. Mais vous allez arrêter de faire les malins, je vous jure, sérieusement. Non, mais t'es mignonne quand même. Hein. Non, c'est ça, ouais. Vas-y, sors la deuxième rame. Tu veux que je t'aide parce que t'es en train de couler là? Non, mais oh, tu vas pas m'énerver, fais c'est la gaffe, fin de demain ça va commencer à devenir blanc au bout. Et puis tu peux le péter après. Non. Non mais c'est dégueulasse ta discussion Bibou, sérieux je veux pas savoir. On a Stéphane qui est là, qui vient de Marcinelle, qui va peut-être nous filer la bonne réponse au Baby Blind et qui du coup sera le grand gagnant du MacBook Air, le dernier de la semaine. Salut Stéphane. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien? Ça va très bien, très c'est bien. Quoi le programme de la soirée? Qu'est-ce que tu vas faire beau ce week-end? Oh je sais pas, peut-être cinéma ou quoi. Ah ouais, c'est bien ça. T'as la belle vie, va voir Angry Birds. Non, va voir. Attends, j'ai pas compris, il a dit cinéma s'il fait beau dehors. Bah oui, bah dans le cinéma s'il pleut, s'il fait beau, il va être dehors. Ah ouais, ok. Ouais. Ah c'est ça, ok. Ouais, parce moi que je trouvais ça bizarre d'aller au cinéma s'il fait beau. Ouais, ce serait un drôle concept. Ouais. Non. Ah, si, si, si, vraiment. Il y a moins de monde. Bon, enfin, vous dire un papy qui parle. Ouais. T'as cru que t'étais dans ton salon, tu veux une tasse de thé, sérieux, comment ça se passe? Non, merci. Non, voilà, merci. Bon, Stéphane, on va te repasser le baby blind, tu me files ta réponse après. C'est parti. D'accord. Yepa, ne savais pas là, là. Yo stress, un pasito, palante, Maria, esa se dove payala, boum boum boum boum boum. C'est dans quoi qu'on entend ça, Stéphane? Tu peux me filer soit l'artiste, soit le titre, vas-y. Ricky Martin. Ricky Martin, un, dos, tres, un pasito, palante, Maria. C'est gagné. Ouais, ouais, ouais, ouais. Allez, t'es le dernier gagnant, quoi, petit chanceur. La classe. Et tu repars avec ton MacBook Air 13 pouces, 1099 € comme ça, en envoyant Bim juste un message. Merci à MediaMarkt de Simpersio. Et ouais, merci à MediaMarkt. C'est grâce à eux qu'on peut vous filer des cadeaux de ouf comme ça sur Fun Radio. Et félicitations, mon Stéphane, tu raccroches pas, on va reprendre tes coordonnées en antenne, ça marche. Est-ce que c'est Flak que j'ai dit merci toute la semaine pour essayer que tu m'en files un aussi? Ouais, ouais, mais t'auras rien du tout, que dalle. Je peux te filer un autocollant Fun Radio par contre si tu veux, j'en ai plein. C'est gentil. C'est, voilà, ces cadeaux, c'est pour moi. Il y a pas un bic aussi? Il y a un bic aussi, ouais. Il y a même une gomme. Il a pas dit merci Fun Radio, il a dit merci MediaMarkt. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vas avoir MediaMarkt. T'auras des lunettes MediaMarkt rouge. Wow, voilà, c'est ce que tu auras. Et voilà, Stéphane, tu raccroches pas. On va prendre tes coordonnées dans un instant. Côté son dance floor, maintenant c'est souf avec Mia Mord sur Fun Radio. Et restez bien là parce qu'à partir de 20h, c'est Oli qui prend le contrôle de Fun Radio en mode party fun avec tous les plus grands DJ. Pardonner tous ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Mais je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. Je t'avais cru soumise, mais ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, tu me dis que ce n'est pas assez. Je marche derrière elle, son doux parfum me guide. Et j'aimerais t'entendre assez. Tu me dis que ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, et mi amor. Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, et mi amor, por favor, et mi amor. À partir de 20h, c'est Oli qui prend le contrôle de Fun Radio en mode party fun. Pour aller jusque là, on va se faire le son d'Enrique Iglesias, Duel El Corazon. Il y aura aussi Alex Germis, le tout nouveau. Ouais, ouais, il a choisi Fun Radio pour son nouveau son. Et restez bien là parce que ce soir, on a du lourd au platine, les gars. C'est Robin Schulz qui sera de la partie et qui va animer toute la soirée. Vous allez pouvoir vous mettre dans l'ambiance si vous êtes sortis de j'aime ce bien soir. Parce donc que classe. Fab, il y est, mais je suis sûr qu'il sait même pas ce que chante Robin Schulz. Allez, vas-y, Fab, vas-y. Fab, prouve-nous que tu peux nous dire. Vas-y, chante un truc. Ah, regarde-le là. Je vous déteste. Allez, même pas un petit truc. Ah bah il a fait ça par exemple. Eh, comment tu veux que je chante ça? C'est pas faux. Mais il y en a un autre que tu peux chanter. Ouais. Celui-là par exemple. Ah ouais. Ah oui, Show Me Love. Ça c'est ah bon ouais. C'est vrai. Il fait semblant de connaître. Ouais, non mais c'est une enfume, ça c'est quand clair. Quand c'est pas Francis Cabrel. Ouais, le petit papy de la famille, ça fait plaisir mon petit Fab. Vous moquez de moi. Mais non, on t'aime. Bon allez Robin Schulz, il sera au platine de Fun Radio toute cette soirée. Si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, bah il y a qu'à rester là, hein, c'est simple. Oli prend le contrôle de Fun Radio à partir de 20h et nous on vous donne rencard lundi à partir de 17h dans l'émission avec toujours du gros cadeau puisqu'on aura des overboards à vous filer. Donc restez bien là. À lundi les copains. À lundi. Ciao ciao. Bisous bisous. Bisous. Comment tous les samedi, 18h à 20h, c'est la Fun List avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées. En envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment 18h, 20h, le samedi, c'est la Fun List sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Le futur vous ouvre ses portes chez Nissan. Venez fêter avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Découvrez aujourd'hui les technologies de demain et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Nissan. Innovation that excites. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Bye bye, t'es la suis condamné à t'aimer et s'en aller enchaîné à toi. Maintenant, je t'ai donné, je suis condamné à t'aimer et s'en aller enchaîné à toi. Ils ne feront pas avancer la recherche médicale. Ils ne trouveront certainement pas la solution du réchauffement climatique. Mais ils vont tout faire pour vous faire marrer pendant 3 heures. Retrouvez Audrey, Fab et Sandro tous les jours dans l'Happy Hour. 17h-20h sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Solo con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Nouveauté Fun Radio. Salut, c'est Alex Jermis. Vous écoutez mon nouveau single Sweet Afterglow sur Fun Radio. Tous les nouveaux sons démarrent sur Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. like a warrior. How to feel like a warrior. Learn, learn how to feel like a warrior. Heroic fighters, we will stand upright. De Niels Van Zandt à l'instant sur Fun Radio, première diffusion, ça s'appelle Unified et ça nous met en forme pour démarrer Party Fun sur Fun Radio. Comment sommes-nous arrivés jusqu'ici? Les êtres humains éprouvent un désir incommensurable de découvrir Party Fun. Fun. Dance. Electro. Party. Fun. Les meilleurs DJ mix pour vous en exclu. Party Fun sur Fun Radio. Allez, bonsoir tout le monde, ça y est, les bienvenus sur Fun Radio, c'est Oli. On passe en mode vendredi soir, en mode Party Fun avec les plus grands DJ qui viennent mixer chez nous comme chaque week-end. Tout à l'heure, il y aura Robin Schulz en mix dès minuit, il y aura Oliver Heldens également. Et puis là, on démarre très fort le Party Fun de ce vendredi soir avec deux potes d'enfance. Ils ont commencé à faire du son super tôt. Et bien, ils continuent maintenant. Deux stars Fun Radio, Autonos avec Avicii. Voici la première diffusion en Belgique de Back Where I Belong dans Party Fun sur Fun Radio.